petite guitare. C'est comme ça là. Là, pardon. Coucou Séba. C'est bizarre. Bon, allez, je coupe le micro et je branche ma basse. Séba, c'est cool que tu sois là parce que je vais pouvoir jouer, tu vas me donner quelques accords. Allez, zou. C'est parti là. Je crois que mon... Je suis là. Thank you.